بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 140 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh Salih du Cheikh avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est dans la fin. Hein, on est à la fin du livre, on a presque terminé. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit wa amma as-sama', parce qu'on a parlé de as-sama' dans les cours précédents, et le Cheikh il a expliqué les exemples de sama' qui sont en accord avec l'islam et qui sont ordonnés par Allah et qui sont légiférés et qui sont aimés d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le as-sama' dont on parle, donc as-sama' ça vient de sami'a yasma'u, le verbe entendre. Hein? Et as-sama' quand on dit as-sama', c'est-à-dire l'écoute. D'accord? Et l'écoute peut être une écoute qui est l'écoute de qu'est-ce qui est aimé d'Allah, et qu'est-ce qui est légiféré par Allah, et qu'est-ce qui est en accord avec l'islam. Et l'écoute peut être également une écoute qui est haram, dans le sens que si quelqu'un, par exemple, écoute des choses qui sont interdites par Allah, interdites par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, donc ça peut faire partie des péchés, ça peut faire partie des choses haram, et ça peut également faire partie des bid'a. Ça peut également faire partie des bid'a et des égarements. Et donc, c'est ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était en train d'expliquer. Parce que parmi les soufis, il y en a qui yani, appellent à ce qu'ils appellent as-sama', et en réalité, yani, ils mélangent dans ça beaucoup de vrai et de faux. Et beaucoup de choses qui sont en accord avec l'islam et des choses qui sont interdites ou qui sont en contradiction avec l'islam. Alors, les ulama, ils ont clarifié ces choses-là, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici, il le fait. On a parlé dans les cours précédents de as-sama', hein, qui est shar'i, qui est en accord avec la sharia, qui est en accord avec l'islam, comme le fait d'écouter le Coran, hein, et d'écouter ce qui est permis et licite. Et là maintenant il donne des exemples. Il dit wa amma as-sama' al-muhdath, yani sama' al-kaffi wal-duffi wal-qasabi, falam yakun as-sahabatu wat-tabi'un lahum bi-ihsan وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات. Donc ici Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que il y a également un sama', une écoute qui est muhdath, c'est-à-dire qui est inventée, qui est innovée, qui ne fait pas partie de l'islam, et c'est le fait d'écouter les clapements de mains, les tambours et yani, les bruits qui, ou les sons qui sont faits avec des instruments. Et ça, yani, c'est-à-dire lorsque, surtout lorsque c'est fait dans le sens de se rapprocher d'Allah ou d'essayer d'adorer Allah Azza wa Jal par ces moyens-là. D'accord? Donc le cheikh il explique qu'il n'y avait aucun entre les sahaba, ni d'entre les tabi'in, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. De même que le restant des grands parmi les imams de la religion, il n'y en a aucun parmi eux qui ont fait de cela, de ces choses-là, une voie pour atteindre Allah ou pour se diriger vers Allah. Et aucun d'entre eux n'a jamais considéré cela comme faisant partie des moyens de se rapprocher d'Allah ou des formes d'obéissance. Donc ça, c'est très important de le comprendre. D'accord? Parce que vous trouverez chez les soufis des gens qui, justement, font ça. Ils font des chants, ils font des danses, ils font ils utilisent des instruments, et puis ils font qu'est-ce qu'ils appellent le dhikr. Hein? Ça n'a rien à voir avec le dhikr que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Ça, c'est un dhikr qui est innové. C'est une bid'a, hein, de faire le dhikr de cette manière-là. Donc ça, c'est pas un sama' qui est licite. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus. Il dit « La yaj'alouna al-aghani wa al-dufuf wa al-mazamir طريقا إلى الله وإلى تليين القلوب، بل بالعكس الغنى والمزامير والضفوف تقسي القلوب وتزرع النفاق في القلوب وتزرع الشهوة والعشق في القلوب، بخلاف القرآن فإنه يزرع الخشية والخوف والطمع فيما عند الله والخوف مما عند والخوف مما أعد الله للكافرين. Donc ici le Cheikh il explique que يعني les imams et les ulama de l'islam, les salaf et les sahaba, ils n'ont jamais fait des chansons, des chants ou des faits de frapper des tambours ou bien d'utiliser des flûtes ou des instruments de musique, hein. Ils n'ont jamais utilisé ça comme un chemin pour aller vers Allah ou pour adoucir les cœurs. Il dit au contraire, ce sont des choses, hein, comme le chant et les flûtes et les instruments de musique et les tambours. Ça, c'est des choses qui endurcissent le cœur, hein, et qui sèment l'hypocrisie dans les cœurs, comme les salafs l'ont expliqué. Et qui sèment dans le cœur les désirs, hein, et la passion, hein, la passion charnelle dans les cœurs. Contrairement au Coran, qui sème dans les cœurs la crainte d'Allah Azza wa Jal, la peur d'Allah et l'espoir en ce que Allah Azza wa Jal nous a promis. La crainte également de ce que Allah a promis aux ennemis d'Allah, les kafirines. Donc, le Cheikh explique ensuite par rapport au fait que les salafs n'ont jamais calculé cela comme faisant partie des rapprochements ou des obéissances à Allah. الشيخ يلقى يلدي الشيخ الفوزان يلدي كما يعدونه هؤلاء لأن الصوفية يعدون الأغاني والدفوف من الطاعات، فلذلك يأتون بها إلى المساجد ويقيمونها في المساجد بدل القرآن. donc le cheikh il dit ces gens là, hein, contrairement à ces gens là, c'est à dire, hein, les salaf eux n'ont jamais considéré ça comme des moyens de se rapprocher d'Allah, hein, ou comme des formes d'adoration, tandis que les soufis, hein, eux, ils considèrent les chants, hein, et les instruments qu'ils utilisent comme des instruments de percussion, des instruments à vent ou autres, hein, ils les utilisent dans leurs adorations et ils considèrent ça comme faisant partie des actes d'obéissance, et c'est pour ça qu'ils les amènent même dans leur mosquée et ils les utilisent dans leur mosquée, hein, au lieu de réciter le Coran. Et le Cheikh, il explique ici quelque chose de très important, parce que lorsque tu regardes par exemple les soufis, eh bien effectivement dans leur mosquée c'est ce qu'ils font, et on voit aussi dans qu'est-ce qui est devenu à la mode chez les jeunes parmi les ikhwan, et eux ils utilisent même ça pour attirer les jeunes aussi, hein, de faire de la musique, des chants, et de dire que ça c'est des choses islamiques juste parce qu'ils changent le nom, hein. Ils les appellent des anachides, donc parce qu'ils les appellent anachides, ils s'imaginent que c'est pas des chants et que c'est pas haram. Or leurs anachides aujourd'hui là, il n'y a pas grande différence entre ces formes d'anachides et ce que font les koufars comme musique populaire. Yani, la seule différence peut-être c'est avec les paroles, hein, qu'ils prononcent. Mais sinon, le reste, c'est exactement la même chose. Et ça rappelle beaucoup qu'est-ce que les chrétiens font dans leurs églises. Hein. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'ils font s'il y a une musique populaire qui est à la mode, hein, dans les médias ou à la radio. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une version chrétienne de cette chanson-là. Donc, ils vont juste changer la parole au lieu de dire... qu'est-ce que le chanteur original a dit dans sa chanson, eux ils vont juste rajouter « We love you Jesus » et puis ça y est, c'est comme ça devient leur nouvelle chanson chrétienne. Oh, Jésus n'a jamais chanté de cette façon-là, il n'a jamais utilisé la chanson comme un moyen de se rapprocher d'Allah ou pour adorer Allah. Et yani, c'est chrétien de la même manière que c'est soufi, c'est la même chose. Et comme vous le savez, Annie, la plupart, vous avez sûrement entendu parler de ça, lorsque les soufis, ils font des festivals de musique religieuse dans les pays musulmans. Hein, j'ai déjà vu un exemple de ça dans certains pays comme au Maroc ou ailleurs. Ils invitent des bouddhistes, des hindous, des juifs, des chrétiens, des catholiques, des protestants, des hindous, des gens de toutes les différentes croyances, puis il y a les soufis qui viennent avec eux et qui font leur chant ensemble avec eux. Hein? Et il y en a une fois, il a été invité, un soufi, il a été invité dans une cathédrale chez les chrétiens, et puis il a commencé à chanter des chansons, soi-disant soufis, hein, des chansons soufis dans les églises, avec l'orchestre chrétienne qui était derrière. Ou bien il y en a qui sont même allés faire chanter le adhan, soi-disant chanter l'adhan, subhanallah, avec un orchestre. Toutes sortes d'égarements comme ça et de bid'a que ces gens-là se permettent de faire. Et il n'y a aucune limite, nasallallahu al-afiyah, à qu'est-ce qu'ils font. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « Bal ya'uddunahu min al-bid'a al-madhmouma » حتى قال الشافعي خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يسمونه التغبير ويصدون به الناس عن القرآن. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit que les salafs, ils ont considéré ce genre de musique et ce genre de chant religieux, soi-disant, comme étant des bid'ahs, blâmables. Hein? Et même que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, un des grands imams parmi les salafs, il a dit, j'ai laissé à Bagdad une chose que les hérétiques ont innové ou ont inventé, et ils l'appellent at-tarbir, et ils obstruent les gens du Coran par cela. Hein? Et At-Tarbir, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit At-Tarbir, هو الأغاني والمزامير والدفوف. يقول الشافعي رحمه الله أحدثوه ببغداد. وكان معروفا عند السلف. وكان معروفا عند السلف وأهل العلم. Donc le Cheikh, il dit At-Tarbir, c'est en réalité des chants avec des instruments que les soufis faisaient. Hein, et ils essaient de le rendre religieux. Un petit peu comme aujourd'hui, les Ikhwan, ils essaient de rendre la musique, soi-disant, islamique. Et ils veulent tout rendre islamique. Eh bien, à l'époque, c'est les soufis qui faisaient ce genre de choses. Hein, ils veulent rendre même les chants islamiques. Et la musique islamique. Et des fois, ils utilisent le douf. Hein, et comme je vous avais sûrement déjà raconté l'histoire d'un mariage où j'étais parti à Montréal, et il y avait quelqu'un qui se mariait, et subhanallah, il y en a un parmi le groupe là des jeunes qui étaient là, il a sorti un genre de tam-tam. Hein? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ben je vais on va faire ça là, on va taper là-dessus, on va chanter pour célébrer le mariage et tout. J'ai dit, ah, ça mon frère, ça c'est pas permis. J'ai dit, premièrement, le douf, c'est permis seulement entre les femmes, entre elles. Et c'est permis entre elles, c'est-à-dire, elles tapent sur le douf, puis elles chantent des chansons entre elles. J'ai dit, ce que tu tiens dans ta main, ça, c'est premièrement, c'est pas un douf. Et deuxièmement, t'es pas une femme. Donc, c'est pas permis pour toi, hein, même si c'était un douf. Et malgré ça, je leur ai expliqué, mais ils n'ont pas voulu prendre conseil. Donc, je suis parti, parce que c'est comme ça que les ulama, ils ont expliqué. Si tu vas dans une fête, ou dans une walima, ou dans une occasion quelconque, et que tu vois que dans cet endroit-là, tu donnes le conseil, et que les gens, ils ne t'écoutent pas, ou bien ils continuent à faire le haram, eh bien, tu quittes, tu restes pas dans cet endroit-là. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est ça un exemple. Donc, beaucoup de gens, ils pensent que parce que le prophète, sallam, il a permis le douf dans les célébrations pour les femmes, que ça veut dire que c'est général pour les hommes aussi. Non, c'est pas général pour les hommes. Et en même temps aussi, c'est seulement le douf qui a été permis pour les femmes et non pas le tam-tam ou les autres formes d'instruments de musique. Il y en a qui veulent élargir l'affaire. Hein? Il y en a qui mettent des cassettes audio aussi enregistrées de chanteuses professionnelles. Ça aussi, c'est pas ça la sunna. La sunna, c'est que les femmes, elles chantent elles-mêmes, pas une cassette. Ala kulli hal, yani, nasallallahu al-afiyah. Cette narration de l'imam al-Shafi'i, elle est rapportée dans Sira A'lam al-Nubala, dans la biographie de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et Al-Azhari, il dit dans l'Isan al-Arab, il dit وَقَدْ سَمَّوْا مَا يَطْرَبُونَ فِيهِ مِنَ الشِّعْرِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَغْبِيرًا وَكَأَنَّهُمْ إِذَا تَنَشَدُوهُ بِالْأَلْحَانِ طَرَبُوا فرقصوا وأرهجوا وسموا مغبرة أو مغبرة لهذا المعنى. والأزهري قال وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. Donc c'est exactement ça. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit aussi dans Majmou' al-Fatawa, « At-taghbir huwa ad-darbu bil-qadib ala jildin min al-julud wa huwa ma yughabbiru ou yughbiru sawt al-insan ala al-talhin faqad yadumu ila sawt al-insan imma at-tasfiq bi-ihda al-yadayn ala al-ukhra وإما الضرب بقضيب على فخذ أو جلد وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصارى والنفخ في صفارة كبوق اليهود فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته. Donc ici le cheikh il explique, il mentionne dans la note de bas de page, il y a une indication qui explique que Al-Azhari il explique que des gens chantaient des poèmes qui mentionnent Allah et ils les chantaient avec des voix enjolivées et avec des yani, comme s'ils embellissent leur voix pour faire des chants, comme ça ils chantent le nom d'Allah avec des instruments. Et l'imam al-Shafi'i, il a dit cette parole justement, et Cheikh al-Islam, il l'explique également dans son Majmou' Fatawa, le volume 11 à la page 576. Il dit que At-Tarbir, c'est de frapper avec un genre de bâton sur une peau tendue, comme un genre de tambour, ou un tambourin, ou bien un tam-tam ou quelque chose de ce genre. Et également, ils embellissent leur voix avec des chants. Et en même temps qu'ils chantent, ils tapent des mains, ou bien ils tapent sur un tambour ou sur une peau, ou des choses de ce genre. Ou bien, parfois, ils vont également utiliser une cloche comme les chrétiens, ou bien une corne comme les juifs. Et yani, quiconque fait ce genre de distraction et ce genre de jeu, il n'y a pas de doute que s'il fait ça dans un sens religieux et dans le but de se rapprocher d'Allah, il n'y a pas de doute au sujet de son égarement et de son ignorance. D'accord? Donc celui qui fait ça comme faisant partie de la religion, c'est un égarement parce que c'est une bid'a. Et c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux que celui qui le fait yani, par pur plaisir uniquement, sans l'attribuer à la religion. C'est pour ça que des fois les gens ils pensent que le fait de mentionner Allah dans leur chant ou dans leur musique, ils s'imaginent que ça rend la musique moins mauvaise ou moins haram. Au contraire, ça rend l'affaire encore pire, encore plus grave dans son interdiction, puisque ça devient une innovation. Parce que là, tu en fais un moyen de te rapprocher d'Allah et tu rends quelque chose religieux que Allah n'a pas déclaré religieux. Et tu en fais quelque chose qui te rapproche d'Allah. Tu en fais une adoration alors que Allah n'en a pas fait une décoration, une, une adoration. Donc Allah n'en a pas fait une adoration, toi tu en fais une adoration. Donc c'est comme si tu te mettais à la place d'Allah pour légiférer dans la religion et dans la croyance ou dans la pratique religieuse. Et ça, c'est grave. Et c'est ça le danger des innovations aussi. Le cheikh il dit ensuite, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, wa awliya Allah al-arifun ya'rifun dhalik wa ya'lamun anna lish-shayatin aw anna lish-shaytan fihi naseeban wafiran wa li hadha taba minhu khiyar man hadarahu minhum wa man kana ab'ad 'an al-ma'rifati wa 'an kamal wilayati Allah كان نصيب الشيطان منه أكبر كان كان كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو بمنزلة الخمر يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهوى. Subhanallah. Donc le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal, hein, ses serviteurs proches et rapprochés qui le connaissent, ils savent que ces choses-là sont des égarements. Hein? Et donc ceux qui agissent de cette façon et qui font ce genre de musique ou ce genre de chant, eh bien, il n'y a pas de doute qu'ils savent que c'est-à-dire les gens qui ont la connaissance d'Allah réellement, ils savent que le shaitan, c'est lui qui a la plus grande part de ces activités-là. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux, hein, et les meilleurs d'entre eux qui étaient parmi ces gens-là et qui voyaient ces choses-là, les meilleurs d'entre eux se sont repentis lorsqu'ils ont vu ça. Cheikh Al-Fawzan, il dit « Ya'arifoun al-farq bayna sama' al-mu'minin wa sama' al-munafiqin wal-kuffar » C'est-à-dire que les gens qui ont la connaissance réelle d'Allah et qui sont des serviteurs vraiment rapprochés d'Allah, eh bien, eux, ils connaissent la différence entre l'écoute des croyants et l'écoute des hypocrites et des kuffars. Hein, l'autre jour, justement, subhanallah, je ne sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais il y avait un orientaliste, yani un chrétien, un kafir, je ne sais pas s'il était juif ou chrétien ou athée, mais il parlait de ces groupes-là en Turquie qui s'appellent les derwiches. Et il disait que c'était les adeptes de la tariqa de Jalaluddin al-Rumi. Hein, il les appelait al-Mawlawiyya. Et cette tariqa, c'est eux qui, à la base, ont commencé à faire les danses en cercle, les gens qui tournent en rond avec les grandes robes. Et puis il commençait à expliquer ça, puis il expliquait que ça faisait partie des danses spirituelles ou je sais pas quoi. Il y en a des moyens de. Il s'imaginait qu'en faisant ça, il se rapprochait d'Allah parce que ils imitent le comportement de l'univers, hein, et des astres qui tournent dans l'espace. Donc ils disaient, eux, quand ils tournent de cette façon-là, c'est comme si pour dire ils sont en harmonie avec le cosmos ou avec l'univers, parce qu'ils tournent de la même façon ou je ne sais pas quoi, et ils ont une façon de placer leurs mains, puis une façon de tourner, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des exemples, comment ces gens-là font ces choses-là, et ils attribuent ça à l'islam et à la religion, alors que l'islam est innocent de ce genre d'égarement-là. Donc les pieux et les savants parmi eux, ceux qui étaient sincères, quand ils ont vu ça, ils se sont repentis de ces choses-là. Hein? Et ils sont revenus de ça, ils ont quitté ces choses-là. Mais ceux qui étaient plus éloignés de la connaissance et ceux qui étaient plus éloignés du perfectionnement dans leur rapprochement ou dans leur proximité d'Allah, hein, eh bien, le shaitan a eu une plus grande part, hein, par rapport à ceux-là. Et ils ont pratiqué ce genre d'activité-là au point d'en devenir ivres. Et l'ivresse qu'ils ont retrouvée dans ce genre d'activité, elle est plus grande que l'ivresse causée par l'alcool. Le cheikh, il dit, c'est une ivresse qui est plus grande que l'ivresse de l'alcool. Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Ya'alamoun, أن سماع المنافقين والكفار والفسقة هو من الشيطان، هو الذي زينه، وهو الذي يحضره، وهو الذي يحثهم عليه. Donc le cheikh, il dit, ils savent que l'écoute des hypocrites et des mécréants et des pervers, c'est en réalité, ça vient du shaitan. C'est lui, le shaitan, qui leur embellit ces choses-là. Et c'est lui qui se présente hein, lorsqu'ils commencent à faire ces choses-là et qui les incite à les faire. D'accord? Donc ça, c'est la réalité. Allah al-Musta'an. Et le cheikh, il dit ensuite, وَلِهَذَا إِذَا قَوْيَتْ سَكْرَةُ أَهْلِهِ. Donc, quand leur ivresse, elle devient très très forte, le shaitan descend sur eux. Et le sheikh, il dit, Sheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, il dit, Al-Aghani tu'athiru fi nufus ta'thiran ashadda min al-khamr. Li'anna sukran al-khamr yani yufiq. Amma sukran al-aghani wal-hawa, hadha la yafiq. Yani sukran. الخمر يفيق وأما سكران الأغاني والهوى لا يفيق قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين أو بالمجان نعم العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. يعني سكران الأغاني والهوى لا يفيق وسكران الخمر يفيق فهو أشد. Donc ici le cheikh il explique que les chants, la musique, ça a un effet sur l'âme qui est parfois plus grand que l'effet de l'alcool pour celui qui hein, devient ivre lorsqu'il boit de l'alcool. Parce que celui qui boit de l'alcool, hein? Tôt ou tard, il regagne son esprit, il retrouve son esprit après un certain temps. Tandis que celui qui est ivre, qui a l'ivresse de la musique, lui, il revient jamais à lui. Sa tête, elle revient jamais complètement. Hein? Parce que c'est la passion qui est dans son cœur. Et ça coule dans son sang. Hein? Subhanallah. Donc ça, c'est une shubha, c'est une grande fitna à la musique. Hein? Et n'importe qui a été dans la musique ou qui a été dans le milieu de la musique, il sait à quel point la musique est une grande fitna. Hein? Et effectivement, qu'est-ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah mentionne ici, quand il dit que ça cause une ivresse plus grande que l'alcool, celui qui a été dans la musique et qui a connu la musique, il est témoin de ça. Il peut pas mentir si hein, on lui demande, est-ce que ça c'est pas vrai? Il peut pas mentir. Il est obligé d'admettre que c'est la vérité. Hein? Et tu le retrouves même dans les musiques elles-mêmes, dans les chanteurs eux-mêmes, quand ils parlent de ça, hein, ils mentionnent ces choses-là. Allah al-Musta'an. Donc c'est une grande fitna, effectivement. Et il cite des paroles de certains poèmes, justement, qui clarifient cet état-là et qui expliquent que les chants et la passion, celui qui est affecté par ça, hein, c'est plus grand que la folie. Hein? Et subhanallah, yani, quand il a cette passion dans son cœur, eh bien, il devient fou. C'est comme s'il devient fou à cause de la musique. Et donc, c'est pour ça que c'est plus grave encore. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit, à ce moment-là, quand les anges, pas quand les anges, les shayatines, quand ils descendent sur ces gens-là, lorsqu'ils sont dans cet état d'ivresse-là, eh bien, parfois, ils commencent à parler par la langue de ces gens-là. Le shaitan, il parle par leur langue et yani, certains d'entre eux même commencent à yani, s'élever même dans les airs. Et le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, il dit, « إذا اشتد طربه طار في الهواء. إذا اشتد طربه من الأغاني والدفوف طار في الهواء. يطير من بين الحفل يقول هذا كرامة وهذا من الشيطان. Donc il dit, le cheikh, des fois yani, à force de yani, à cause de l'état dans lequel il se sent yani, que le shaitan il descend sur lui puis il commence à flotter dans les airs comme ça, et il prétend que ça c'est une karama, un prodige miraculeux. Alors qu'en réalité, le cheikh, il dit ça vient du shaitan. Ça n'a rien à voir avec Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ça n'a pas rapport avec les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah. Après, le cheikh, il explique, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وَقَدْ تَحْصُلُ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُمْ كَمَا تَحْصُلُ بَيْنَ الشُّرَّابِ الْخَمْرِ فَتَكُونُ شَيَاطِينُ أَحَدِهِمْ أَقْوَى مِنْ شَيَاطِينِ الْآخَرِ فَيَقْتُلُونَهُ ويظن الجهال أن هذا من كرامات الأولياء المتقين وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه. Donc le cheikh, il explique et il dit que des fois, il y a même des transgressions qui se produisent entre ces gens-là. De la même manière qu'il y a des transgressions qui peuvent se produire, parfois des agressions entre eux. Les gens qui, parfois, tu vois des gens dans les bars ou dans les endroits où il y a de l'alcool, tu vois qu'ils commencent à se battre entre eux. Ça arrive souvent entre les gens ivres. Eh bien, entre les Sophia aussi, ça peut arriver des fois. Et le cheikh, il explique, il dit que la raison de ça, c'est parce que des fois, il y en a parmi eux qui sont affectés par un shaitan et d'autres qui sont affectés par d'autres shayatines et que leur shaitan est plus fort que les autres. Alors, il combat les autres et il peut même parfois les tuer. Hein? Allah al-musta'an. Et donc, les ignorants qui voient ça, ils vont dire ça, c'est des karamat. C'est des prodiges miraculeux. Alors le cheikh, il explique et il dit non. En réalité, ça c'est quelque chose qui éloigne la personne d'Allah. Hein? Et ça fait partie des états de diaboliques en réalité. Parce que de tuer, qu'un musulman qui tue celui que Allah a interdit de tuer, ça c'est grave. Hein? Donc s'il se permet de tuer celui que Allah a interdit, alors comment ça pourrait être un prodige miraculeux que Allah aurait permis à ou octroyé à un de ses serviteurs rapprochés? Ça, c'est impensable. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire là-dessus, il dit « تحصل من العشاق عداوة وغيرة من بعدهم على بعض كما يحصل بين الشراب الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Donc ici le cheikh, il explique que les gens qui sont pris par la passion et les désirs, ils ont parfois des animosités entre eux, hein, et de la jalousie les uns envers les autres. Et donc un peu comme les gens quand ils sont ivre à cause d'avoir bu trop d'alcool, eh bien, ils se battent entre eux, des choses comme ça. Et justement, c'est ce que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 91 dans Surat Al-Ma'idah. Hein, lorsqu'il dit que le shaitan veut uniquement jeter entre vous l'animosité et la haine par l'alcool et les jeux de hasard et vous obstruer, hein, vous stopper du rappel d'Allah et de la salat. Alors, n'allez-vous pas vous arrêter. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il explique par rapport à l'agression qu'ils peuvent se faire les uns aux autres, jusqu'à aller à se tuer entre eux. Et le cheikh, il dit, وَيَظُنُّونَ أَنَّ مَوْتَهُ شَهَادَةً وَأَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَاتَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَهُوَ مَاتَ مِنْ قَتْلِ الشَّيْطَانِ لَهِ. Donc, le cheikh, il dit, il pense que ça, c'est celui qui meurt dans ce genre de bagarre. Il pense que ça, c'est une mort qui est il devient un martyr. Hein? Il va être un martyr. Et ils disent, il est mort par le rappel d'Allah. Et le cheikh, il dit, il n'est pas mort par le rappel d'Allah. C'est le shaitan qui l'a tué. Hein? Il est mort par le shaitan. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il commente sur le dernier point, yani par rapport justement aux agressions qu'ils peuvent se faire entre eux. Et il dit, le cheikh, à ce sujet-là, yani, الله سبحانه وتعالى حرم قتل المسلم أشد التحريم. قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاثة التي تبيح قتل المسلم: إذا زنى وهو محصن، إذا قتل نفسا عدوانا وظلما، يعني يقتل قصاصا، وإذا ارتد عن دينه فإنه يقتل، وما عدا ذلك فالأصل أن المسلم معصوم. يعني ما معنى معصوم؟ يعني محرم الدم، لا يجوز الاعتداء عليه. فكيف يظن أن ما يحصل على يد الشياطين من قتل بعض المسلمين أن هذا من كرامات الأولياء وهو من أشد المحرمات؟ هل الكرامات تكون بالمحرمات والمعاصي؟ الكرامات إنما تحصل بالطاعة، بالطاعات والاستقامة واجتناب الحرام، ومن ذلك اجتناب قتل النفس التي حرم الله. قال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق هو كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الحق الذي يبيح قتل المسلم. أما عدا ذلك فالأصل عصمة دم المسلم. Donc le cheikh explique que le meurtre d'un musulman, ça c'est une des choses qui est parmi les plus graves, plus grandes interdictions, plus sévères interdictions dans l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 93 dans Sourate An-Nisa: et quiconque tue un croyant intentionnellement, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer une longue période de temps. Et il dit: et Allah sera en colère contre lui, il le maudit et il a préparé pour lui un châtiment immense. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également: il n'est pas permis à un musulman de tuer un autre musulman, ou de faire couler le sang d'un musulman. Il n'est pas permis à un musulman de faire couler le sang d'un musulman qui témoigne et dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, qui dit et je suis le messager d'Allah, c'est-à-dire il témoigne que Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et que Muhammad est le messager d'Allah. Il n'est pas permis de faire couler son sang s'il témoigne de ça, excepté pour trois choses. La première, c'est la personne qui est mariée ou qui a été mariée et qui a commis l'adultère. Donc lui, il est exécuté par lapidation. Al-nafs bin-nafs, c'est-à-dire si quelqu'un a été coupable d'un meurtre, il a tué un musulman intentionnellement, donc c'est la peine de mort pour lui, le châtiment. Et le troisième exemple qui est mentionné, c'est le musulman qui a quitté l'islam. Il devient murtad, apostat. Mais par conséquent, la peine pour lui, c'est yani, la peine de mort. Al-mufariq lil-jama'a, yani, celui qui se sépare de la jama'a ou qui divise la jama'a des musulmans. Yani, il se rebelle contre le dirigeant. Donc ça fait partie des choses qui rendent licite le sang du musulman s'il commet ces péchés-là. Et le cheikh, il explique que donc ces trois choses-là sont les choses qui font qu'un musulman peut être exécuté. Et ça encore là, c'est pas n'importe qui a le droit d'appliquer ces peines. C'est uniquement le dirigeant, le chef de l'État, l'autorité dans le pays, l'autorité officielle. C'est pas un citoyen ordinaire ou disons quelqu'un parmi les musulmans dans la rue là, quelqu'un X comme ça qui aurait le droit de mettre en pratique ces règles-là. Non, c'est seulement quelqu'un qui a l'autorité, le dirigeant, et celui qui a été désigné par le dirigeant pour le faire appliquer, comme les juges, hein, les tribunaux et ainsi de suite. Et le cheikh, il explique ensuite et il dit que, donc, en dehors de ces cas-là, il n'est pas permis de faire couler le sang du musulman. Donc, le sang du musulman est sacré. Il n'est pas permis, donc, de le faire couler ou de transgresser contre sa vie. Donc, comment quelqu'un pourrait, hein, prétendre que Yani, surtout s'il est contrôlé par le shaitan, comment on pourrait prétendre que de tuer certains musulmans de la part d'un musulman serait un prodige miraculeux, hein, alors que c'est parmi les plus grandes interdictions dans l'islam. Est-ce que les prodiges miraculeux vont inclure des péchés et des interdictions? Ça, c'est impensable, hein? Et donc, en réalité, les prodiges miraculeux sont uniquement reliés aux actes d'obéissance et aux actes de bien, hein? Et dans le fait de s'écarter des choses interdites et de s'écarter de ce qui est haram et de s'écarter du meurtre, hein, et de faire des meurtres ou de tuer, ça fait partie des grands crimes dans l'islam, des grands péchés. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans sourate Al-Isra, wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Hein? Wal-haqq kama bayyanahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 33 dans sourate Al-Isra, et ne tuez pas l'âme que Allah a rendue sacrée excepté pour un droit. Et le droit dont on a mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, c'est les trois exemples qu'on a mentionnés: la personne qui a fait l'adultère, ou la personne qui est coupable de meurtre, donc il est exécuté, et la personne qui a apostasié. Donc ça, c'est les trois exemples qui rendent le sang de cette personne licite, hein? Donc c'est ça le droit dont Allah Azzawajal a parlé dans le verset. Mais en dehors de ça, son sang est protégé. Ensuite, le cheikh, il dit, wa innama, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, wa innama ghayatul karama, luzumul istiqama, falam yukrimillahu abdan bimithli an yu'inahu ala ma yuhibbuhu wa yardahu, wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilayhi wa yarfa'u bihi darajata. Donc le cheikh, il explique que il n'y a pas un prodige miraculeux plus grand que le fait de rester sur la fermeté dans la religion et dans la droiture. Donc Allah n'a pas donné à quelqu'un un honneur plus grand à un serviteur que l'honneur de l'aider à faire ce qu'il aime et ce qu'il agrée, hein? Et il l'augmente dans ce qui l'aide à se rapprocher de lui et dans ce qui l'élève en degré vers lui. Donc ça, c'est une parole importante de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et le Cheikh al-Fawzan, il l'explique, il dit, Rayatul karama lati tajri li awliya illah luzumul istiqama. لزوم الاستقامة على الحق والدين، وتحصل الكرامة بالخروج عن ولا تحصل الكرامة بالخروج عن الدين، ولا تحصل الكرامة بالخروج عن الدين إلى الكفر والمعاصي وفعل المحرمات، لا تحصل الكرامة بذلك، وما يحصل بذلك فليس كرامة. وإنما هو خوارق الشيطانية وأعمال شيطانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن علامات إكرام الله للعبد أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من طاعة الله ورسوله والاستقامة على الدين، فهذا أعظم ما يكرم الله به العبد، فهو أعظم من الجاه والأموال والأولاد ومتاع الدنيا. فإن الله إذا من بالدين على عبد فقد أكرمه. قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه وهذا هو غاية الكرامة إكرام الله للعبد ليس في أن يعطيه المال والولد أو الجاه أو الملك وإنما إذا أعطاه الدين فقد أكرمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني كلا فليس الإكرام بإعطاء هذه الأمور الدنيوية أو المطاعم الدنيوية وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم يعني ضيق عليه الرزق فليست الكرامة والإهانة بأمور الدنيا وإنما الكرامة والإهانة بأمور الآخرة والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. Donc on va terminer avec ce passage. Cheikh Al-Fawzan il explique cette parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit l'exemple le plus complet de l'honneur que Allah peut faire à un serviteur et yani, des prodiges miraculeux qu'il peut lui octroyer et que Allah donne à ses serviteurs rapprochés, c'est de rester ferme et de rester solide sur la droiture et sur la vérité et sur la religion. C'est ainsi que le serviteur il obtient l'honneur qu'il obtient al-karama et non pas en sortant de la religion ou en faisant des actes de kufr ou des péchés ou de faire des choses haram. C'est pas ainsi qu'on obtient l'honneur et al-karama. Et donc yani le cheikh il dit si quelque chose s'obtient par ces choses là eh bien c'est pas une karama, c'est pas un prodige miraculeux. Au contraire, ça vient du shaitan. Et c'est des actes du shaitan. Il dit, en ce qui concerne les signes que Allah a honoré un serviteur, eh bien ça consiste à ce que Allah lui donne ce qui fait partie de ce qu'il aime et de son agrément et de son obéissance. L'obéissance d'Allah et de son messager et de rester droit et ferme sur la religion. Et ça, c'est parmi les plus grandes formes d'honneur que Allah peut faire à un serviteur. Et c'est plus grand encore que, et plus important que le statut, le prestige que quelqu'un peut avoir, les biens et la richesse, les enfants et les plaisirs de la dunya. Il dit parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait la faveur de donner à un serviteur la religion, alors il l'a honoré. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, dans Surat Al-Hujurat, le verset 13, « Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux, celui qui se préserve le plus d'Allah. » Et le hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et dans la Musnad de l'imam Ahmad, il dit, certes, Allah, il donne la dunya à celui qu'il aime et celui qu'il n'aime pas. Mais la religion, il ne la donne que à celui qu'il aime. Alors, si Allah a donné à quelqu'un la religion, c'est la preuve qu'il l'a aimé. Et ça, c'est donc yani, le plus haut point de l'honneur que Allah peut faire. Donc, quand il honore un serviteur, c'est pas parce qu'il lui a donné de l'argent ou des enfants ou du prestige ou du pouvoir ou des choses de ce genre. Mais c'est wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais c'est uniquement s'il lui a donné la religion, la foi. Et donc Allah Azza wa Jal à ce moment-là, il l'a honoré. Et il mentionne les versets dans sourate Al-Fajr. En ce qui concerne l'homme, lorsqu'il est éprouvé par son Seigneur et que son Seigneur l'a honoré et lui a donné plein de biens, alors il dit, mon Seigneur m'a honoré. Il dit, non, c'est pas ça la vraie signification de l'honneur, d'avoir ou de recevoir des choses de la dunya et des plaisirs et des choses de la dunya, non. Il dit, tandis que lorsqu'il est éprouvé par son Seigneur et que son Seigneur lui a limité sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a humilié. Il dit, non, c'est pas parce que ton risque est devenu plus restreint que Allah t'a humilié. Et c'est pas parce qu'il te donne plus qu'il t'a honoré. La dunya n'est pas la référence dans ça. La vraie référence pour savoir celui qui est honoré et celui qui est humilié, c'est pas par les affaires de la dunya, mais c'est par les affaires de l'au-delà. Et par les bonnes œuvres et par le fait de se préserver d'Allah Azza wa Jal. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine. La suite, Inch'Allah, bi'ivnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.